En Corée, le port de Sinizu, province du Pôle du Nord, a construit un nouveau bateau dragueur des centaines de tonnes de capacité à destination du fleuve Amno, afin d'assurer les besoins en matériaux croissants pour le béton dans les importants chantiers de la province et de développer davantage le transport dans ses cours d'eau.